Septième jour. Hier, le vénérable Sayadaw nous a expliqué comment, par le triple entraînement, l'entraînement aux trois sikhas, on se purifie le corps, les paroles et l'esprit. Il a expliqué comment on va rendre les paroles, les actions et l'esprit doux et aimable. Le vénérable Sayadaw nous a expliqué qu'il y avait deux façons d'y arriver. La première façon consiste à s'abstenir de certaines choses. On évite de faire ceci ou cela, ce qui aura pour effet que les impuretés seront éliminées. On procédera donc par l'abstention. En procédant par l'abstention, on se débarrasse de Vitikama Kilesa, les impuretés de transgression, celles qui se manifestent par la parole et par l'action. Pour ce qui est des Paryutana Kilesa, les impuretés de type obsessionnel, celles qui se ne manifestent que dans l'esprit, sans se prolonger par un acte ou par une parole négative, il n'est pas possible de les éliminer par l'abstention. Pour y arriver, il faudra utiliser d'autres méthodes. Il y a trois façons de combattre ce type d'impureté: la prévention, la guérison et l'éradication. Nous parlerons aujourd'hui de la façon dont on se libère des Paryutana Kilesa et de Samadhi Sikha, l'entraînement à la concentration. En résumé, on peut dire que la façon de combattre les impuretés qui se manifestent dans l'esprit uniquement, les Paryutana Kilesa, par la pratique des Satipatthana. C'est en pratiquant de façon répétée et sérieuse Satipatthana que nous pourrons gérer les impuretés de type obsessionnel. Le terme Satipatthana veut dire beaucoup de choses. Le Bouddha pose un jour une question à ses moines. Moine, quel est l'unique moyen sûr et précis de se protéger? Et il donne à lui-même la réponse. Moine, celui qui, ayant entendu l'enseignement, dispose de l'attention ininterrompue, celui qui est attentif de façon continue, est en sécurité. On voit donc que ce n'est pas par la pratique de sila à la moralité que l'on se protège des impuretés de type obsessionnel. Ce type d'impureté devra être combattu par d'autres moyens. Il faudra tout d'abord éviter de les laisser pénétrer en soi. Il faudra, s'ils ont déjà pénétré, s'en guérir. Et enfin, il faudra les éradiquer. Ô moine, l'enseignement qui vous est donné ici exige que vous soyez attentif de façon continue. Conformément à l'expression, pratiquez la garde de l'esprit en étant constamment attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant. Ceci veut dire que dès qu'un contact sensoriel a lieu, que ce soit par l'œil, par l'oreille, par la langue, par le nez, par le corps ou par l'esprit, il faut en voir la véritable nature. En voir la véritable nature, c'est discerner l'esprit et la matière. Ensuite, discerner les causes et les effets. Et enfin, il faut voir le caractère impermanent, insatisfaisant et insubstantiel de tous ces phénomènes. Quel que soit l'objet qui se manifeste, il faudra donc en être conscient. Il faut y être attentif. C'est ainsi qu'on évite de laisser pénétrer en soi des impuretés, quelle que soit la porte sensorielle par laquelle cette impureté risque de pénétrer. Bien sûr, pour les débutants, ce ne sera pas possible d'être attentif de façon continue chaque fois qu'un contact sensoriel aura lieu. Un débutant n'est pas en mesure de garder les portes sensorielles de façon constante. Il devra donc commencer par se limiter à l'objet primaire, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ces deux mouvements, soulèvement et abaissement, devront être notés de façon ininterrompue. Il ne faut pas les laisser non gardés. Chaque fois que le soulèvement a lieu, il doit être noté attentivement. Chaque fois que le mouvement d'abaissement a lieu, il doit également être noté attentivement. S'il pratique de cette façon, on peut dire que le méditant vit correctement, il vit avec sati. Le Bouddha nous encourage explicitement à pratiquer de cette façon. C'est la façon de se protéger contre l'intrusion des impuretés mentales. On les prévient. Mais si l'esprit n'a pas été formé à être attentif de façon ininterrompue, si la garde de l'esprit n'a pas été développée, cet esprit restera sauvage et incontrôlable. Dès qu'un objet désirable se manifestera, c'est l'oba qui va apparaître. Dès qu'un objet désagréable va se présenter, dosa va apparaître. Et lorsqu'on verra un objet apparaître sans être capable d'en discerner la véritable nature, c'est l'ignorance, moha, qui va apparaître. Ces trois impuretés, avidité, loba, aversion, dosa et ignorance, moha, sont les racines du mal. Loba, dosa et moha vont s'enraciner dans l'esprit. Elles vont s'en emparer. Les akusala, les actions négatives, les actions déméritoires vont ainsi se manifester très fréquemment. Ce jeune plan d'akusala va puiser dans le sol la nourriture qui lui sera nécessaire pour se développer. C'est par les racines qu'il va puiser cette nourriture. Son tronc va se développer et finalement il deviendra un arbre puissant, l'arbre des akusala. Si nous vivons conformément à la maxime, pratiquer la garde de l'esprit en étant continuellement attentif à tout ce qui se passe à chaque instant, et qu'on le fait par exemple pendant une minute, que se passera-t-il, pensez-vous, pendant ces 60 secondes d'attention? Si au contraire on n'est pas attentif, si l'esprit n'adhère pas à l'objet, que va-t-il se passer, selon vous, pendant ces 60 secondes? Si l'esprit n'adhère pas à l'objet, ce sont les akusala qui vont se manifester. Si l'esprit adhère à l'objet d'observation, s'il y est vraiment attentif, il sera contrôlé. Et s'il colle à l'objet d'observation pendant une minute, cet esprit connaîtra 60 secondes de pureté. Loba, dosa et moha ne pourront pas s'enraciner dans un tel esprit. À la place de loba, de dosa et de moha, c'est aloba, adosa et amoha, la non-avidité, la non-aversion et la non-ignorance qui vont s'enraciner dans l'esprit, qui vont s'en emparer. Et en 5 minutes d'attention, il y aura 300 moments de pureté dans l'esprit, 300 états d'esprit positifs. En 1 heure, il y en aura 3600. Et ces 3600 moments positifs vont s'enraciner dans l'esprit. Imaginez ce qui se passe en l'absence d'attention. Si on n'est pas attentif, ce seront les akusalas qui vont prendre racine dans l'esprit et qui vont s'en emparer. Cet esprit sera alors brûlé par les kilesas, il deviendra pollué, vulgaire et méprisable. Dans le cas contraire, lorsque l'esprit est libre des impuretés, il est propre, calme, paisible et donc attirant. Essayez, s'il vous plaît, de comparer ces deux situations. D'une part, lorsque l'objet est observé avec attention, et d'autre part, lorsqu'il n'y a pas d'attention au moment du contact sensoriel. On comprend mieux maintenant la justesse de l'expression utilisée par le Bouddha, protéger l'esprit. Le faire en étant attentif est une méthode très efficace, très précise et très sûre d'y arriver. Ceux qui ont déjà pratiqué Satipatthana le savent et estiment donc cette méthode. Mais ceux qui n'ont pas encore pratiqué Satipatthana ne savent pas comment pratiquer et ne peuvent donc pas évaluer la méthode. Vous qui avez déjà pratiqué cette méthode, si vous êtes venu ici, c'est parce que vous en connaissez la valeur. Avant de commencer la pratique, il faudrait réfléchir aux bénéfices immédiats que procure l'attention. Le fait d'être attentif de façon très ferme à l'objet. Si on pratique conformément à la maxime, pratiquer la garde de l'esprit en étant constamment attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant, si donc on observe de façon ininterrompue tous les objets qui se manifestent au moment précis où ils se manifestent, l'esprit sera protégé contre l'intrusion des impuretés que constituent l'avidité, la colère et l'ignorance. Mais si on n'est pas attentif de cette façon, l'esprit ne sera pas protégé. En Pali, protection se dit avarana. Si on est attentif, l'esprit est protégé, il est gardé. Et plus il est gardé contre les impuretés, plus il est en sécurité, plus il se libère des liens mentaux. En Pali, cette liberté est appelée Vimutti. Plus l'esprit est gardé, plus on est en sécurité. Plus on est en sécurité, plus on est libre. Et lorsqu'on est libre, on ne craint plus les impuretés mentales. On devient une personne cultivée et aimable. Au lieu de l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance, il y aura non-avidité, non-aversion et non-ignorance. Lorsque l'attention est présente et qu'un objet visible se présente, l'intention, le désir de regarder ne se manifestera pas. En conséquence, l'obha, le désir, ne va pas s'enraciner dans l'esprit. Lorsque l'attention est présente, dosa non plus ne pourra pas prendre racine dans l'esprit. Il n'y aura pas de colère, pas de tension, pas d'aversion, pas de dépression. Et lorsqu'on voit la nature véritable de l'objet, moha, l'ignorance, ne va pas se manifester et en conséquence, il n'y aura pas indécision, hésitation, doute, etc. Mais si on ne se conforme pas à la recommandation du Bouddha qui demande de garder l'esprit à chaque instant et d'être attentif à tout ce qui se manifeste, l'avidité va s'enraciner dans l'esprit et entraîner avec elle les tensions en tout genre. Et lorsque c'est la colère qui se manifeste, la personne va expérimenter le désappointement, le découragement, la dépression. Et lorsque c'est moha qui prend racine dans l'esprit, la personne est confuse, indécise, etc. Il faut savoir que lorsque moha s'enracine dans l'esprit, elle entraîne avec elle l'apparition d'autres états mentaux négatifs comme udacha, l'agitation ou le remords, visikicha, le doute sceptique, et diti, les vues fausses. Lorsque la colère s'enracine dans l'esprit, elle entraîne également des états d'esprit associés comme issa, l'envie, macharia, l'avarice. Lorsqu'on est libre de dosa, de loba et de moha pendant une minute, cela veut dire qu'il y aura 60 moments positifs dans l'esprit. L'arbre des kusala, l'arbre du bien, va pouvoir se développer. C'est de cette façon qu'on est protégé par l'attention. Grâce à l'attention, on ne donne aucune chance aux impuretés de se manifester. Mais si les impuretés mentales ont déjà pénétré le courant de conscience, il faudra alors s'en guérir. Et ceci, une fois de plus, va se faire par l'attention. Si on veille en permanence à se protéger contre les kilesas qui n'ont pas encore pénétré le courant de conscience et à se guérir de celles qui ont déjà pénétré le courant de conscience, elles vont progressivement disparaître. Mais si on ne contrôle pas l'esprit par l'attention, loba, dosa et moha vont s'y enraciner. Kamapata, le chemin bas et vulgaire des actions négatives, va s'ouvrir. Si on ne contrôle pas l'esprit, Kamapata s'ouvre. On sera amené à mal se conduire. On se conduira mal, tout d'abord au niveau du corps. Il y a 3 actions physiques négatives. Tuer, voler et se méconduire sexuellement. C'est de cette façon qu'on se trouve engagé sur le chemin bas et vulgaire Kamapata. C'est le chemin des akusala. Et si on ne contrôle pas l'esprit par l'attention, on va également se complaire dans les 4 formes d'inconduite verbale, Visi, Kama, Ducharita. Ces 4 inconduites verbales sont le mensonge, la calomnie et la médisance, les paroles dures et les paroles inutiles. Akusala Kamapata s'ouvre, associé à ces 4 formes d'inconduite verbale. 3 autres états d'esprit négatifs sont également susceptibles de se manifester en l'absence d'attention. Si on ne contrôle pas l'esprit en permanence par l'attention, il est possible qu'on soit amené à convoiter les biens d'autrui et qu'on désire les acquérir illégalement. Il est possible également que Vyapada, la malveillance, le désir de nuire à autrui, se manifeste. Et lorsque l'ignorance sera présente, les idées fausses se développent, ce qui entraîne l'apparition de l'orgueil. Ces 3 états d'esprit négatifs, le désir de s'approprier les biens d'autrui, le désir de faire mal aux autres et les vues fausses, auront pour résultat que Kamapata Akusala va s'ouvrir. Kamapata veut littéralement dire le chemin vers les destinées inférieures. Mais si on est attentif, au lieu de l'avidité, de la colère et de l'ignorance, c'est Aloba, Adosa et Amoha qui vont se manifester dans l'esprit. Au lieu de poser des actes négatifs, au lieu de suivre Ducharita Kamapata, au lieu de s'adonner aux 10 formes d'action négative que l'on appelle Ducharita Kamapata, c'est le chemin des Kusala, des actions positives, qui va s'ouvrir. Mais c'est souvent Akusala Kamapata qui s'ouvre, car en général, les gens ne contrôlent pas leur esprit. Lorsque c'est Akusala Kamapata qui est ouvert, on se fait du tort à soi-même et aux autres. Lorsque c'est Kusala Kamapata qui est ouvert, les choses seront très différentes. Personne ne sera ni blessé ni tourmenté. Le Bouddha l'a exprimé dans le Anguttara Nikaya par l'expression suivante. Moine, il y a un triple dhamma qui tourmente soi-même et les autres. Quel est-il? Kaya Ducharita, Vasi Ducharita et Mano Ducharita, l'inconduite par le corps, l'inconduite par la parole et l'inconduite par l'esprit. Voilà ce triple dhamma. Le Bouddha ajouta, « Bhikkhu, il y a un triple dhamma qui ne tourmente ni soi-même ni les autres. Quel est-il? Kaya Sucharita, Vasi Sucharita et Mano Sucharita. » Le comportement positif par le corps, le comportement positif par la parole et le comportement positif par l'esprit. Voilà comment, par l'attention, Akusala Kamapata est fermé et comment s'ouvre Kusala Kamapata. À cause de Akusala Kamapata, c'est à la fois soi-même et les autres qui se trouvent en danger. Mais l'attention va amener des bénéfices aux deux parties. Plus on pratique l'attention, plus on réalise la valeur du Dhamma du Bouddha. Si on n'est pas attentif ou qu'il y a des interruptions dans l'attention, les Ducharita, les conduites négatives, vont proliférer. En conséquence, on devient vulgaire, on devient quelqu'un de bas niveau, ce qui est honteux, peu enviable et à craindre. Si on est conscient que cette qualité de vie est basse, honteuse et effrayante, on s'en abstiendra. Ce type de connaissance est appelé Samvega en pali. Samvega, c'est donc la crainte de produire des dhammas négatifs, et c'est craindre également les résultats négatifs de ces actions nuisibles. Craindre les résultats négatifs des akusala aura pour conséquence qu'on ne désirera plus mal se conduire ni au niveau du corps, ni au niveau des paroles, ni au niveau de l'esprit. Mais en l'absence de Samvega, la crainte des actions négatives, le chemin des impuretés s'ouvre. Avec Samvega, le chemin des actions positives, Kusala Kamapata s'ouvre. La foi et la confiance seront alors éveillées. Lorsque la foi et la confiance sont éveillées, on s'efforce d'éviter les akusala. Tout cela, c'est le résultat de Samvega. Essayez de comprendre le lien entre la confiance et Samvega. Un esprit qui observe les mouvements de l'abdomen est contrôlé par l'attention et donc en sécurité. Avijja, L'avidité est totalement absente. Le désir de tourmenter, de faire le mal, viapada, dosa, la colère, n'apparaissent pas. Les vues fausses ne se manifestent pas non plus. Mano, ducharita, les formes mentales de l'inconduite, sont barrées. Et si ces formes mentales de l'inconduite sont barrées, les actes et les paroles négatives le sont également.